On met le pied sur la ligne, tu peux toujours crier comme si la chance s'appelait Aline. La prod, je la câline et ça me canalise. Vu que l'ambiance est trop féline, je tape mon analyse. Parfois ça me paralyse, donc je reste là à flotter. Dois-je ignorer mes démons ou les laisser me plotter? T'auras beau frotter, mais certaines tâches ne peuvent être effacées. Les trépassés, au peigne fin jusqu'à trépasser. Ma colonne s'est tassée, mais sur ma vie je vais finir bossu. Ici l'avenir est décousu et loin d'être cossu, y'a peu d'issue. Donc certains taffent pour des petits sous, et je prie pour que le peu d'humanité qui reste ne soit dissous. Pas de jalousie, de haine ou de rancœur, juste ça le constat qui me donne envie de gueuler comme un rocker. Je suis un croqueur d'instru dont je suis l'auteur. Ça sent le cramé, suit l'odeur comme mon stylo pleure. Je veux placer chaque thème, chaque peine dans un tiroir. Juste un simple reflet, je suis sûr que tu peux t'y voir. Je rappe des constats, souvent mon cœur se contracte. Ce qu'ils veulent c'est qu'on se tape, entre nous pire qu'on craque. Hey, je veux placer chaque thème, chaque peine dans un tiroir. Juste un simple reflet, je suis sûr que tu peux t'y voir. Je rappe des constats, souvent mon cœur se contracte. Ce qu'ils veulent c'est qu'on se tape, entre nous pire qu'on craque. Je passe mon temps à me questionner, à me tourmenter, gratter, creuser des plaies, mais tout le monde doit surmonter chaque épreuve qui se présente. Crois pas que cette vie soit plaisante. Demande à ceux qui se dorent la pilule sur leur bateau de plaisance. Triste constat à chaque texte posé. Ici les nuits sont courtes, on demande pas pourquoi j'ai l'air explosé. Cette zig c'est ma liberté. Je rappe depuis bien avant la puberté. Donc compte plus les instrus qu'on a pu heurter. Tu peux ôter ta main de mon mic, je suis seul à piloter. Trop rusé, n'essaie pas de nous mettre à l'amende comme un îlotier. Moi je veux m'isoler comme la section. Je veux plus que les jeans s'emparent de moi quand je m'éloigne dans mes réflexions. Donc action, c'est vers la réussite que nous axons. La trajectoire et tous les obstacles nous les effaçons. Mais passons, rien à foutre de leurs paillettes. Fais venir leur starlette, le nez plein de coke, moi je veux pas y être. Je veux placer chaque thème, chaque peine dans un tiroir. Juste un simple reflet, je suis sûr que tu peux t'y voir. Je rappe des constats, souvent mon cœur se contracte. Ce qu'ils veulent c'est qu'on se tape, entre nous pire qu'on craque. Hey, je veux placer chaque thème, chaque peine dans un tiroir. Juste un simple reflet, je suis sûr que tu peux t'y voir. Je rappe des constats, souvent mon cœur se contracte. Ce qu'ils veulent c'est qu'on se tape, entre nous pire qu'on craque.